William Shakespeare dans une mise en scène de Maxime Robin au Théâtre du Conservatoire du 6 ou 11 mai. Réservation nécessaire au 418-643-9833. Ce soir à l'aérospatiale, le 40e de la bande vidéo et l'exposition de Boris Firquet, deux expositions étudiantes à Regard et l'exposition Le Sublime à l'Université Laval. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. Donc, j'entends la France avec vous ce soir, avec le retour des beaux jours et quelques belles conversations au menu de cette édition du 24 avril. Donc, en premier lieu, cette année, la bande vidéo souligne son 40e anniversaire avec une programmation spéciale et je me suis entretenue avec son directeur artistique, Sébastien Hudon, pour discuter de l'histoire du centre, de la programmation du 40e et de l'exposition Mascarade de Boris Firquet qui est en cours dans leur galerie. Après la pause, je vais recevoir Charlotte Boisvert-Simard, qui est co-commissaire de l'exposition Le Sublime, qui est présentée à la salle d'exposition du pavillon Desjardins de l'Université Laval, et elle sera accompagnée de deux artistes qui y sont exposés actuellement. Et en fin d'émission, notre chroniqueuse Anne-Sophie Homer va nous faire un retour sur sa visite au Centre Regard où sont actuellement exposées les œuvres d'Anne-Marie Bélanger dans la galerie et un projet artistique de Mathieu Bouchard et Mickey Allison Jean Hébert dans la vitrine. Cette semaine, Simon Roy nous propose Scan Globe. C'est de la musique électronique ambiante qui nous vient d'Angleterre. Je vous rappelle que si vous appréciez les sélections musicales de notre collaborateur, vous pouvez chaque semaine également écouter son émission Web Québec. C'est le dimanche de 20h à 21h sur les ondes de CKRL, encore une fois. C'est principalement donc de la musique qui est gratuite sur le web. Et dans son émission, Simon Roy propose une sélection musicale éclectique d'artistes de distributeurs indépendants qui utilisent l'Internet comme principal outil de diffusion. Je vous laisse donc avec la pièce Nimbus de Scan Globe et au retour de la pause, vous entendrez mon entretien avec Sébastien Hudon, directeur de la bande vidéo. Thank you. Bastien Hudon, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de... je t'ai invité en fait à parler de, du 40e de la bande vidéo, qui est quand même un centre d'artistes majeur à Québec. C'est un centre d'artistes. Hein? Oui. Donc, qui fête ses 40 ans cette année, c'est pas négligeable. C'est un... c'est vraiment un âge vénérable pour un centre d'artistes au Québec, on s'entend? Oui, c'est un des plus anciens centres d'artistes à Québec et au Québec. Je sais qu'il y a d'autres organismes comme Engram, par exemple, qui sont plus vieux que nous, mais sous l'appellation Engram. Évidemment, les organismes changent au fil des époques. Nous, au début, ce qu'on faisait, c'était des carousels de diapositives pour l'enseignement. Wow. Et donc, c'était bande vidéo et film de Québec. Okay. Et on faisait des carousels de diapositives synchronisés avec du son. Puis peu à peu, avec l'évolution justement des caméras portatives et l'émergence d'un art vidéo au sens où on l'entend encore aujourd'hui, on a commencé donc à acquérir des équipements pour le centre. Ça a toujours été un centre d'artistes. Et peu à peu, évidemment, au moment où on a glissé vers le numérique, il y a eu des changements dans le centre, dans la mesure où par exemple, au départ, on a fait pendant une vingtaine d'années vidéaste recherché. Oui. Donc, ça a commencé dans les années 90 et ça s'est terminé en 2012 ou 2013. Et vidéaste recherché, c'était justement la possibilité pour des gens qui n'étaient pas encore professionnels ou qui étaient en voie de professionnalisation, mm-hmm. de nous soumettre des œuvres en concours et de devenir par la suite, de venir chez nous en résidence, devenir récipiendaire de prix, par exemple, qui allait propulser leur désir et leur envie de faire de la vidéo comme moyen d'expression. Et plusieurs de ces artistes-là qui ont fait Vidéaste Recherché sont encore aujourd'hui des cinéastes reconnus. Des carrières, exactement. Est-ce que tu peux nous faire un peu de name-dropping? Oui, il y a... je pense qu'une des personnalités majeures, c'est vraiment Frédéric Tremblay qui vient de gagner et de rafler plusieurs prix un peu partout à l'international encore cette année avec son film d'animation « Toutes les poupées ne pleurent pas ». Et Frédéric, donc, à l'origine, avait gagné un des festivals Vidéaste Recherché avec un petit film d'animation en stop-motion qu'il avait fait. Et il a poursuivi pendant tout ce temps-là son œuvre et c'est devenu une œuvre incontournable en animation stop-motion, image par image, donc au Québec. Et ce qui est intéressant avec Frédéric, je reviens toujours à son cas parce que, premièrement, c'est un gars qui est fascinant, d'une grande humilité, très... on le voit toujours un peu comme un moine quand on pense à lui parce qu'il a une assaise dans sa démarche qui se transpose dans ses œuvres et c'est comme s'il n'y avait pas de filtre entre ce qu'il fait en stop motion et ce que lui vit. Et c'est vrai, ça fait des œuvres très personnelles. Évidemment, c'est de l'autofiction, là, c'est pas autobiographique. Mais c'est une capacité de traduction. Oui. Ouais. Oui. On parle toujours qu'il vient chez nous et il travaille dans les studios et à partir du moment où il se met à faire un film, il est complètement investi dans son film. Oui, c'est ça. Il en oublie presque de manger tellement il y a quelque chose d'une pulsion fondamentale dans son travail. Et c'est un petit peu ça, dans le fond, qu'on cherchait dans Vidéaste Recherché à l'époque. D'allumer des étincelles. Oui, ouais. C'est ça. C'est ça. De faire que les gens qui s'intéressent aux médias, parce qu'il y en avait il y avait quand même une certaine communauté, mais c'était moins facile à l'époque que ça l'est aujourd'hui parce que le matériel de production était beaucoup plus cher, donc ça prenait un centre d'artistes. Aujourd'hui, le centre d'artistes donc a muté, ben, la bande vidéo a muté oui. vers un centre, toujours un centre de production et un centre, mais aussi un centre de diffusion. On s'est doté d'une galerie il y a une dizaine d'années. OK, ouais, ça fait à peu près 10 ans, ouais. Ouais, c'est ça, c'était à l'occasion du 30e à peu près, là. C'était mm-hmm. dans ces eaux-là. Puis, déjà à l'époque, on voyait que la bande vidéo avait besoin de son espace de diffusion parce que l'installation vidéo avait peu ou pas de représentation à Québec. Et on s'est dit, ben, ça nous prendrait une galerie pour présenter de la vidéo. Ouais. Et ça a été une aventure extraordinaire. Et ça nous a fait découvrir, même moi qui a commencé à faire de la critique d'art, au voir à l'époque, au moment où la galerie était naissante. Là, ça faisait 2 ans, peut-être, que la galerie existait. Puis, moi, j'ai une formation en histoire de l'art. La vidéo, c'était pas quelque chose que j'avais... je sais pas, j'avais pas eu d'intérêt. Je m'intéressais plus à la photographie, à l'art ancien, bon, catégorie plus classique. Puis, la vidéo m'a... ils sont venus me chercher et à quelque part, la vidéo m'a fait découvrir toute la richesse de ce média-là. J'ai découvert, donc, que c'était un média qui était appelé à devenir très, très, très important, mais plus peut-être dans les années qui allaient suivre mon arrivée. Mm-hmm. Je savais, au moment où je suis arrivé, je me disais, OK, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer avec la vidéo. Tu voyais comme le potentiel, oui. Toute la question de l'immersion aussi, qui est très oui. loin. Oui, ben c'est ça, justement, on travaille en ce moment pour... justement, se doter d'un savoir technique et d'équipement pour devenir un centre important en production de vidéos 360 et en vidéos immersives. Okay, ouais. Uh-huh. Parce qu'on n'a pas encore ça au sein des centres d'artistes à Québec, ou en tout cas, j'ai pas vu d'exemple encore. Puis, la beauté de toute cette effervescence autour de la vidéo, c'est que plus on en voit, plus on a envie d'en voir. Ouais. Notre public est fidèle, viennent voir les expositions et commentent. Et de plus en plus, j'ai des gens qui me disent « Ah oui, la dernière exposition, c'était superbe. » Alors que dans le milieu des années 2000, peut-être vers, ben pas milieu, mais vers 2010, admettons, mm-hmm. ben, on recevait, ben, faut dire que le numérique a fait en sorte que l'offre a explosé. Ouais. Vraiment. Ah, ouais. Mm-hmm. On recevait 30 dossiers. Ouais. Au moment où je suis entré, je pense qu'on recevait entre 25 et 30 dossiers c'est par peu. Année. Les deux premières ouais. années, c'était ça. Uh-huh. Et rapidement, ça a été exponentiel. Je pense que l'année qui a suivi ces deux premières années-là, on a reçu 100 dossiers. Et ouais. là, on a dit, OK, on va vraiment faire en sorte que les gens puissent soumettre leurs dossiers par le web. Parce mm-hmm. que et par internet ouais. parce que ça n'existait pas encore, donc on soumettait encore avec des DVD uh-huh. mais avec l'apparition de Vimeo, de bon YouTube moins, mais Vimeo surtout, ouais. où les artistes pouvaient déposer leur travail et le rendre inaccessible à des gens qui n'avaient pas le mot de passe, ça a permis d'ouvrir complètement le champ de la vidéo jusqu'à l'international, de sorte que on a des soumissions de partout dans le monde maintenant, et ça devient très, très compétitif d'une certaine façon. Mm-hmm. Pas parce que les gens veulent être en compétition, pas parce que nous, on aime ça, la compétition, mais parce qu'il y a tellement de gens mm-hmm. qui en font maintenant qu'on est submergé de propositions de grande qualité, et on est dans une situation où on fait 5 expositions par année ah au ouais, mieux, des fois 6, mm-hmm. Mais je sais que déjà, je peux vous dire que pour la programmation de l'année prochaine, on est à 4 expositions. C'est une situation un peu particulière, ça ne va peut-être pas se reproduire les autres mm-hmm. années subséquentes, mais quand on est obligé de choisir 4 dossiers d'exposition sur 220 dossiers, on trouve ça difficile. C'est difficile, oui. Puis bien, en fait, moi, je profiterais de ce moment-là pour te demander. Bon, il y a une programmation qui a été déterminée pour le 40e, qui a débuté en septembre 2017. Et puis, comment cette programmation-là a été réfléchie, justement, avec tous ces dossiers-là? Est-ce que vous êtes allé beaucoup par invitation? Est-ce qu'il y avait un fil conducteur? Oui, on est allé. Ça a été un spécial justement pour le 40e parce qu'on voulait refléter l'histoire du centre à travers des expositions nouvelles, donc des nouveaux projets d'exposition qui n'avaient jamais été présentés, et en même temps montrer l'état de la vidéo au Québec et à Québec à travers justement cette historicité-là. Donc on a fait revenir. C'est la première fois qu'on a un même artiste qui expose deux fois, et c'était Jocelyne Alloucherie qui avait fait l'exposition d'ouverture, ou qui a été une des premières, en tout cas, à faire. Donc, une lors de l'ouverture de l'espace galerie. Mm-hmm. C'est ça. Et donc, on le fait revenir pour l'automne. Jocelyne Alloucherie est toujours restée très près du centre. Donc, pour nous, c'était naturel de la faire venir, surtout qu'elle avait deux ou trois projets qui n'avaient jamais été exposés en vidéo, puis elle travaillait sur un au moment où on a fait les invitations. Donc, je lui ai dit, on va soumettre ça à notre comité, puis on va voir, tu sais, on avait déjà quelques noms en tête, on se disait, ce serait vraiment important qu'on ait cette personne-là, parce qu'elle est très investie dans le centre, ou simplement parce que son travail est en émergence, puis on veut souligner la qualité exceptionnelle, comme par exemple Léna Mille-Reuillard. C'est quelqu'un qui m'a attiré sur son travail. La qualité, oui, sur de, la son qualité travail, de son ouais. travail, qui, mm-hmm. m'a, qui m'a montré ses œuvres, et j'ai dit oui, c'est exactement ça. Mm-hmm. Parce que il fallait aussi montrer que c'était... ce que c'était notre mission et notre mandat. Et Léna incarnait vraiment dans sa démarche une réflexion sur le média vidéo. Parce que à l'origine, on faisait de la fiction, du documentaire, on faisait tous les styles. Ouais. Mais rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait se spécialiser. Et avec Spira, et donc la fusion de Spirafilm et de Vidéofam, ça s'est révélé être très important qu'on l'ait fait avant, parce que déjà, eux ont leur mandat très fort, on a le nôtre, et ça nous permet justement de se spécialiser encore plus pour offrir quelque chose d'encore plus grande qualité, et de, en même temps... D'offrir des collaborations exactement. Très, très riches, ouais. Mm-hmm. C'est ça, parce que nous, on ne fait pas tout ce que Spira fait, eux ne font pas tout ce que nous on fait, et on s'échange. On a un parc d'équipements pas commun, mais on a un membership croisé, et quand on va chercher des équipements, on essaie d'avoir des équipements compatibles, de sorte que si quelqu'un a besoin de plusieurs caméras sur un tournage, mais qu'il puisse venir les emprunter chez nous et avoir tout ce dont il a besoin. Mm-hmm. Puis on aime ça de toute façon, les collaborations, puis ça a toujours été important pour moi que les expositions, quand on a la possibilité de faire une collaboration, quand on a la possibilité de dire, bon, par exemple, avec le Festival de la BD de Québec, on pourrait présenter cette exposition-là dans ce cadre-là, de faire des échanges comme ça, parce que ça enrichit l'un l'autre, ça nous permet d'avoir un regard croisé, justement, oui. sur des pratiques, puis des fois, avec des chevauchements dans les questionnements. Et puis, dans la programmation du 40e, il y en a de ces collaborations-là qui sont initiées dans la ville de Québec. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, bien, à l'automne, l'ouverture s'est faite avec la soirée d'ouverture lors des vernissages du Tout Méduse. Ça s'est fait avec une performance qui a été planifiée par Avatar. Mm-hmm. Avatar a décidé de faire une programmation spéciale et a fait donc une performance qu'il nous offrait en cadeau. Oui, c'est un cadeau d'anniversaire. Ouais, exactement. Puis, il y a eu aussi au même moment Manif d'art qui a présenté Mélanie Bédard en co-diffusion avec nous. Mélanie qui avait fait des animations en image par image, en stop motion. Puis, c'est ça, là, on travaille sur un autre dossier avec Antitube. Normalement, ce projet-là aurait dû se faire en juin, mais ça a été reporté à l'automne lors du lancement de la prochaine programmation. En fait, c'est un peu comme notre fête de clôture. Oui. Mais ça va être, on a préféré le faire à la rentrée parce que ça va être le dévoilement de notre nouveau site web. Puis, on s'est dit que dévoiler un site web avec une programmation déjà faite, c'était peut-être pas très grave. Fait qu'on était mieux de faire un site web et annoncer en même temps la nouvelle programmation, puis en même temps clore le 40e lors de l'ouverture de la nouvelle programmation. Donc, tout se fait au même moment, là. Donc, ouais. des belles collaborations pour le 40e. Ouais. Et une belle programmation. Tu nous as parlé de Jocelyne Alloucherie qui initiait cette programmation-là, de Léna Mille-Royard. Mais en ce moment, c'est Boris Firquet qui expose à la bande vidéo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de sa pratique, ta Boris? Oui, Boris est un exemple type de ce que... De l'époque de vidéaste recherché, si on veut, parce que Boris travaillait dans les années 90 et il travaillait vraiment en vidéo avec les tables de montage vidéo. Là, on était encore dans l'analogique, dans la bande vidéo, vraiment. Littéralement. Ouais. Et donc, sur la matière même qui était souvent pas du found footage, mais c'était des émissions qui étaient enregistrées sur VHS. Et on sent dans à cette époque-là une charge contestataire dans la vidéo d'art. En tout cas, à Québec, ce qui est certain, c'est que à la bande vidéo, on est dans la foulée de MIRC, c'est l'époque des get-together, des raves. Pour moi, c'est la fin de mon adolescence. Ouais. C'est vers 17-18 ans. Un momentum comme ça, mais la vidéo est porteuse dès son apparition des voix citoyennes, d'une voix alternative, à cause de son accessibilité, à cause de sa facilité aussi de manipulation. Là. Exactement. Et Boris Firquet avait à cette époque-là déjà une pratique de VJing où, de manière un peu épileptique ou pas épileptique, mais comment je pourrais dire, stroboscopique, nous martelait d'images avec un défilement très, très, très rapide. C'est toute l'idée aussi de l'imagerie subliminale qui passait dans la publicité, qu'on était manipulé aussi par les médias. Évidemment, l'arrivée de Facebook a ça, puis bon, les fameuses fake news. On le vit de plus en plus, cette surabondance d'images dans notre quotidien. Mais déjà à l'époque, Boris Firquet, il travaillait à partir de ça, là, de ces flashs de publicité qu'on pouvait vivre en regardant la télé et tout. Les émissions des téléséries, oui. Chambre en ville, etc. etc. Ouais. Bref, le côté télévisuel. Ouais. C'était ça son matériel de base. Après, lui transformait ce matériau-là, faisait s'adjoindre des images avec une espèce de recul. Puis quand il préparait l'exposition actuelle, c'est ça qu'il me disait. Il dit, moi, je fais juste mettre ça parce que c'est ce qui se passe présentement. Et c'est au regardeur, à la personne, au spectateur, de lui se créer un discours ou une façon de les lire. Ouais. C'est une façon un peu... comment dire? Aujourd'hui, on a plus tendance à... L'artiste a plus tendance à dire, voici ma démarche. Mon intention. Tout est clair. Mais et c'est ça que j'aimais et que j'aime encore chez Boris, c'est qu'on est dans une grande liberté de création. On est dans une grande liberté accordée aussi au spectateur. On ne prend pas le spectateur pour un imbécile. On lui dit, tu vas savoir décoder ça, mais je ne veux pas te donner trop de clés pour que tu puisses en faire l'expérience, puis toi-même te faire ta compréhension. Après, évidemment, le choix et les intentions sont assez claires. Toute l'imagerie est liée au G7, voire au G8, ou c'est ça, oui. Donc à ces rencontres de hauts dirigeants. Exactement. Et à l'imagerie populaire américaine. Donc, on réfère beaucoup au monde de Disney. Oui, Mickey Mouse, puis qui est un symbole d'américanisme. Oui. Impérialisme. Et d'impérialisme. Culturel. Oui. Et c'est ça. Et donc, la transformation, le piratage en vecteur, parce qu'il transforme toutes les images numériquement, pour qu'elles soient, ça devienne des images vectorielles. Donc, il n'y a plus aucune, partie qui est encore de l'image de originale. Source. Tout est redessiné. Ouais, c'est des contours, c'est ça, c'est du dessin. Et donc, c'est comme une forme de modélisation 3D, mais à l'ancienne, ou en tout cas, comme on faisait justement dans les années 2000. Avec un papier calque, mettons. Oui, ouais. C'est ça. C'est ça, donc en reliant des points. Puis, donc son choix fait en sorte qu'on est guidé tout de suite dans cette charge, une charge critique qui est adressée donc aux dirigeants du monde, à leur cynisme, à notre impuissance, mais notre volonté de nous révolter, le désir de voir les choses changer devant l'énorme pathos que représente la politique actuelle et sa relation aux médias, qui est devenue très problématique, surtout avec l'élection de Trump. Oui. Là, on nage dans une... on a l'impression d'être toujours dans un relativisme de l'information. Chaque information que l'on regarde à tous les jours doit être vérifiée, contre-vérifiée, et même peut-être une troisième fois vérifiée pour être certain que la nouvelle les que frais. L'on... C'est ça. Et ça, c'est ça, on parle de... On est des personnes en connaissance de cause, mais des gens qui ne sont pas conscients de cette manipulation extrême des médias peuvent être complètement floués. Là, c'est ça qui est dangereux. Ah oui. Patrick Don, merci beaucoup de t'être entretenu avec moi sur le 40e anniversaire de la bande vidéo qui, bon, la programmation se poursuit encore. On est invité à aller voir Boris Firquet jusqu'au 6 mai. Et puis, ben, bonsoir. 89.1 Une dose de bonne musique, des sujets passionnés et un soupçon d'envie de communiquer. Eureka! Un nouveau projet d'émission pour la saison estivale de CKRL. Vous souhaitez vous aussi faire vos premières expériences radio? Voici la marche à suivre. Rendez-vous dans la section Proposer une émission sur ckrl.qc.ca et remplissez le formulaire en ligne. Vous avez jusqu'au 7 mai. Premier arrivé, premier servi. En avril, voyez au cinéma Le Clap, La Bolduc et Grand Cru dès le 6 avril. La promesse de l'aube et La terre vue du cœur dès le 13 avril. L'apparition et Regard sur Juliette dès le 20 avril. Jusqu'à la garde et Les Avengers, la guerre de l'infini dès le 27 avril. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Tous les vendredis, après la semaine du travail, écoutez CKRL pour une soirée toute musicale. Découvrez et redécouvrez des musiques de styles variés, jazz, funk, blues et metal. Les vendredis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Alors, de retour en studio, toujours Jean-Tienne, la France à l'animation de l'aérospatiale. J'ai avec moi Charlotte Boisvert-Simard, bonsoir. Bonsoir. Jade Caron-Bouchard, bonsoir. Bonsoir. Et Laurence Gravel, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous participez toutes trois à l'exposition Le Sublime, qui est présentée à la salle d'exposition du pavillon des Jardins de l'Université Laval. Et Charlotte Boisvert-Simard, tu es une des co-commissaires de cette exposition-là. Donc, je te demanderais d'abord de te présenter, de nous parler un peu de ton parcours et de quelle place prend cette exposition-là dans ton parcours. Oui, alors merci d'abord pour l'invitation. C'est super apprécié. Alors oui, j'ai accepté de reprendre le projet d'exposition l'année dernière avec Montali. Donc, on assurait le rôle de co-commissaire dans cette exposition. On était toutes deux finissantes au baccalauréat. Donc, on entamait notre maîtrise cette année. Puis, en fait, l'exposition s'inscrivait très bien dans la fin de notre bac et le début de notre maîtrise parce que pour nous, c'était le moyen de peut-être de faire une expérience, d'avoir une expérience un peu plus pratique là, dans le domaine des arts. Donc, voilà. Merci, Charlotte Boisvert-Simard. Et Laurence Gravel, donc, tu fais partie de cette quinzaine d'artistes qui sont exposés dans l'exposition Le Sublime. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta démarche artistique? Oui, en fait, moi, je suis finissante au baccalauréat en arts visuels. Puis, j'ai profité de cette occasion-là pour présenter mes trois photographies. En fait, moi, je m'intéresse beaucoup à des genres de sociétés ou de mondes décadents où ils ont une consommation de biens matériels un peu exacerbée, puis qu'on voit beaucoup dans la décoration, par exemple. Puis pour cette mise en scène-là, j'ai mis en scène justement des petites figurines qu'on retrouve sur des gâteaux de mariage. Puis accompagné de ça, j'ai fait un gâteau de mariage en pâte à sel, un très, très gros gâteau. Donc, qui met aussi en scène ces figurines-là. Puis, ça donne une esthétique un peu décalée, un peu sarcastique. C'est très, très humoristique et très, très coloré. Merci, Laurence. Et Jade Caron-Bouchard, pour terminer notre tour de table, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta démarche et de l'œuvre que tu présentes dans l'exposition? Oui, mais en fait, moi, je suis aussi finissante au baccalauréat en arts visuels. Puis, pour ma part, je fais surtout des sculptures de métal de gros format. Donc, ils ont sélectionné deux de mes sculptures, puis c'est surtout comme des rubans, mais je vous conseillerais de venir voir en vrai, c'est plus intéressant visuellement. Oui, donc deux démarches qui contrastent beaucoup, hein, donc une démarche très figurative, une autre qui est beaucoup plus abstraite. Charlotte Boisvert-Simard, donc en tant que commissaire avec ce thème du sublime, d'abord d'où vous est venue cette idée-là d'appliquer le thème du sublime qui est un état qui nous vient du 18e, 19e siècle. Comment avez-vous voulu le rendre opératoire de nos jours? Oui, bien, en fait, l'année dernière, au moment où on réfléchissait la thématique à soumettre, Montali et moi, on avait visité l'exposition L'Art de la joie qui était présentée un peu partout là, dans la ville, mais celle qui était au Musée national des Beaux-Arts. Puis on avait accroché sur une œuvre de Christian Boltanski, donc Animitas, qui était incroyable. Là, c'est une œuvre très, très intéressante. On a passé beaucoup de temps là, assis devant l'œuvre, puis on a eu l'impression d'être absorbé par l'œuvre puis de ressentir un vertige, un frisson. On avait l'impression d'avoir très froid, là, de ressentir cet espace hivernal-là que l'artiste avait capté. Puis c'est à partir de notre expérience de l'œuvre qu'on s'est mis à réfléchir sur ce sentiment-là, ce vertige-là qu'on avait ressenti. Puis ça nous a amené à faire des liens avec le sublime qu'on avait vu dans nos cours de 18e siècle là, lors de notre bac. Puis on s'est justement intéressé à la manière dont le sublime a perduré à travers les époques. Puis il nous est venu l'idée de proposer cette thématique-là pour la création collective. Et si on prend l'exemple des œuvres de Jade et de Laurence, qui, comme je le disais, sont très, très différentes, sont très, très contrastées, comment avez-vous réussi à rassembler cette quinzaine de propositions artistiques-là, extrêmement différentes, sous l'égide de ce sentiment-là du sublime? Donc, avez-vous fait l'expérience des œuvres? Avez-vous fait un appel de dossier? Ouais. Comment ça s'est passé? Bien, en fait, on a lancé l'appel de dossier en octobre dernier, si je me trompe pas. Puis on avait aucune idée de ce qui allait se produire par la suite parce que faut dire que le but du projet, c'est de créer des liens entre l'histoire de l'art et les arts visuels parce que géographiquement, on est séparés. Puis ça, c'est bien dommage à l'université. On a peu de dialogue entre les deux programmes. Donc l'idée, c'était de lancer un appel de dossiers, ne sachant pas ce qui allait arriver. Puis finalement, on a une trentaine de dossiers qui nous ont été soumis avec des pratiques qui allaient dans tous les sens. On en a choisi 12 avec donc une quinzaine d'œuvres qui étaient présentées dans ces 12 dossiers-là. Puis naturellement, on dirait qu'en choisissant ces démarches-là, il y a eu des sous-thématiques qui se sont créées. Donc, la sous-thématique peut-être plus du paysage, du territoire, une thématique du mouvement, de l'abondance dans lequel Laurence s'inscrit très bien, là, l'espèce de trop plein de détails, trop plein de choses. Là. Puis, il y a aussi eu le corps qui rejoignait la pratique de Jade, là, par le mouvement qu'elle traite à travers ses sculptures. Donc, c'est comme ça que les dialogues se sont créés. Donc, ça a été très naturel. On dirait que les pratiques se sont rencontrées. Donc, oui, le sublime, c'est très général, mais finalement, je pense qu'il y a eu des beaux dialogues qui se sont créés à travers ça. Donc, des dialogues entre les œuvres, mais également des dialogues entre des auteurs et des artistes. Donc, des étudiants, des étudiantes en histoire de l'art au bac, j'imagine, et des artistes. Je vous demanderais, vous, les artistes, donc, d'abord, Laurence, comment s'est fait le processus de rédaction et comment le dialogue s'est fait avec l'auteur qui écrivait sur ton travail? Oui, moi, en fait, l'auteur puis moi, on s'est rencontrés. Il est venu visiter mon atelier. Puis ça s'est très bien passé parce qu'il a compris très, très vite ce que je voulais dire avec ma pratique. Ça n'a pas été long que, justement, on s'est compris puis il s'est mis à la rédaction du texte. Un texte que j'aime beaucoup, d'ailleurs, qui va être présent dans le catalogue de l'exposition. Et je vais faire affaire avec lui là, dans un futur proche là, parce que c'est vraiment plaisant de voir comment les autres personnes travaillent, là, surtout des gens en histoire de l'art là, qui ont toutes qu'une connaissance. Donc, ce travail d'interprétation-là est intéressant d'avoir un regard intérieur, extérieur, pardon. Et Jade, comment as-tu trouvé ce travail-là avec quelqu'un qui écrivait sur ton œuvre? Oui, mais en fait, c'est ça, comme tu disais, le regard extérieur, c'est super intéressant de voir quelqu'un d'autre voir ce que toi, parce que tu sais, moi, quand je construis mon travail, souvent je m'inspire de défendre la nature ou des choses comme ça, puis c'est pas nécessairement mon but qu'on le reconnaisse, mais comme je le sais, c'est dur d'écrire un texte sans que ça s'en aille vers là, puis là, de voir un regard vraiment qui se fiait à la forme puis à l'expérience de la vision, ben c'est vraiment intéressant, puis justement le texte, je le garde, puis je suis contente d'avoir avoir eu la chance pour l'instant d'avoir quelqu'un qui a écrit un texte sur mes œuvres. Donc une expérience qui est très valorisante, je dirais, pour à la fois pour les artistes et pour les auteurs. Mais je pense que oui, je pense que au courant du bac puis même de la maîtrise, parce que il y a des étudiants de la maîtrise aussi qui ont écrit là, sur ces pratiques-là. Mm-hmm. On n'a pas l'occasion d'écrire sur des pratiques actuelles. En fait, on écrit souvent sur des artistes qui sont décédés ou on n'a pas la chance de rencontrer ces artistes-là. Puis c'est une grosse lacune parce que quand on arrive sur le milieu du travail, on se rend compte que c'est beaucoup ça, notre travail, c'est d'écrire sur des pratiques existantes. Donc de le faire dans un cadre du scolaire, c'est peut-être un peu moins stressant. Puis ça nous permet de se poser des questions, de parler avec les artistes, puis de se questionner à savoir est-ce que l'artiste va être vraiment d'accord avec ce que j'écris? Parce qu'au bac, on n'a jamais ce questionnement-là parce que l'artiste ne lira pas nécessairement nos travaux. Donc effectivement, je pense que ça a été valorisant pour les auteurs. Puis il va y avoir le catalogue qui va naître de cette collaboration-là. Donc ça va laisser une trace. Là, le lancement du catalogue, c'est quand? Ça va être la semaine prochaine. On travaille fort là-dessus. Il faut dire que les photos ont été prises la semaine dernière. Mm-hmm. Puis là, on fait la mise en page du catalogue. C'est assez... C'est un gros rush. Oui, exactement. Puis on est tous des bénévoles aussi, là, donc c'est beaucoup de travail. Là. Oui, ouais. En pleine fin de session. Exactement. Exactement. Donc ce comité-là qui organise cette exposition-là, c'est un comité d'étudiants en histoire de l'art, c'est oui, ça? Oui, exactement, du bac et de la maîtrise. On essaye à chaque année que les commissaires soient des gens qui finissent leur bac ou qui entament la maîtrise, donc des gens qui sont un petit peu plus avancés dans leur parcours scolaire. Dans ce moment charnière-là. Ouais. Et vous, co-commissaire avec Monatli, comment est-ce que vous avez réfléchi l'espace? Parce que c'est pas un espace qui est nécessairement très, très facile à habiter avec des œuvres d'art, la salle d'exposition du pavillon des jardins de l'Université Laval. Comment avez-vous relevé ce défi-là? Ben, en fait, puisque c'était la première fois aussi qu'on mettait des œuvres dans un espace, l'idée, ça a été bon de tracer les plans, puis de placer les œuvres naturellement, en créant des liens donc avec notre sous-thématique du territoire, du corps. C'était de les placer du mieux qu'on pouvait. Puis après ça, c'était de faire avec la salle, puis avec les méthodes d'accrochage qui sont pas évidentes. Donc, c'est des moyens qui sont très... On était très restreints dans l'espace, puis ça ajoutait un beau défi à l'exposition. Puis je pense que, somme toute, on a réussi à bien occuper l'espace de la salle du pavillon des jardins. Là. Oui, quand même, avec les projections vidéo, les éléments dimensionnel, là, c'est des interactions qui sont pas faciles à ranger. C'est quand même bien, bien réussi. Bravo. Merci. L'exposition Le Sublime continue jusqu'au 5 mai. Oui. Pour terminer, Laurence Gravel et Jade Bouchard, est-ce que vous avez des événements qui s'en viennent? Oui, le 17 mai jusqu'au 27 mai, nous deux et 20 autres artistes finissant au baccalauréat en arts visuels, on va faire notre exposition de finissant. Donc, ça va se passer à l'édifice La Fabrique. Donc, cette année, l'exposition est dans les ateliers du bac, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans nos locaux là, habituels de nos ateliers. Parfait. Donc, merci Charlotte Boisvert-Simard. Merci. Merci Jade Caron-Bouchard. Merci. Et merci Laurence Gravel. Merci. Nous, on va prendre une petite pause audio et au retour, je reçois Anne-Sophie Homer pour sa chronique. Anne-Sophie Homer, bonsoir. Bonsoir, Gentiane. Donc, tu es allée visiter les expositions au Centre Regard. Donc, il y a deux expositions en ce moment dans la galerie « Ma nature à horreur du vide » d'Anne-Marie Bélanger et dans la vitrine, c'est un projet commun de Mathieu Bouchard et Mickey Salisson, Jean Hébert. Donc, comment as-tu trouvé ces expositions-là au Centre Regard à Lévis? Oui, alors effectivement, Gentiane, c'est toi qui m'en as parlé, hein, de ces expositions-là, donc ça attisait ma curiosité. Puis par une belle journée comme dimanche, on avait envie d'aller se balader à Lévis, de profiter, de boire de l'eau, de se balader. Puis quand tu rentres à Regard, c'est toujours une surprise. Bon alors, la surprise, ça a été vraiment Anne-Marie Bélanger. Mm-hmm. Comme tu l'as dit, avec ma nature à horreur du vide. Donc... C'est vrai, quand tu pénètres dans l'exposition, tu sais pas vraiment par où commencer. Parce que finalement, l'ensemble est vraiment dense. T'as pas un coin de la galerie qui est libre, mais ça explique vraiment le titre. C'est vrai que tu rentres dans la galerie, puis à premier abord, tu regardes un peu autour de toi, puis après, tu vois le titre, tu dis « Ah mais oui, ma nature a horreur du vide ». Alors effectivement, finalement, l'artiste a... j'ai envie de dire surcharger ses œuvres, parce que chaque pièce devient une découverte des petits objets collés les uns sur les autres. C'est un peu un « Où est Charlie géant ?» Oui, c'est foisonnant de détails et il y a des petits éléments étonnants qui viennent surprendre notre parcours visuel. C'est ça. C'est vraiment un univers ludique, mais mélangé à du baroque quelque part. C'est fait de peintures, de bas-reliefs, des impressions numériques, des œuvres qui sont déjà présentes dans l'exposition, avec ces sapins qui sortent du mur. Mais d'abord, tu vois pas forcément que c'est un sapin. Puis après, tu vois, puis il est décoré de façon assez originale, avec plein de petits objets, voilà, masqués. je lui ai demandé si effectivement si les enfants finalement appréciaient ça, parce qu'il y a un aspect quand même, on l'a dit, ludique. Oui, c'est très ludique, ça se rapporte beaucoup au monde de l'enfance. Il y a beaucoup de couleurs, d'éléments jouets aussi qui font partie des œuvres, parce que les œuvres c'est comme des espèces d'assemblages très hétérogènes. Oui, c'est ça. Et effectivement, elle me dit que c'était pas une exposition à destination des enfants, évidemment, mais que elle travaillant avec des enfants régulièrement, c'est vrai que c'est toujours une surprise même pour eux, parce que ça reste en plus une exposition vraiment tout public. Ça, c'est important de le dire quand même. Mm-hmm. J'ai voulu moi parler avec l'artiste, parce que c'est vrai que quand je suis rentrée, j'ai été surprise. C'est pas une exposition de la programmation, c'est vraiment une exposition qui sort du lot, qui a pas été sélectionnée par le comité, mais c'est une invitation, si je me trompe. Oui, tout à fait. C'est donc une initiative de membres. Voilà. Mm-hmm. Et donc, Anne-Marie Bélanger, finalement, elle est membre de Regard et elle occupe un atelier juste derrière, m'a-t-elle confié. C'est son exposition de maîtrise qu'elle présente. Et à la base, Anne-Marie est peintre et elle s'est tournée vers des installations de même plus complètes, avec des univers colorés, baroques, fleuris. C'est très rococo également, mais elle le dit... Elle le souligne. Et son explication, c'est de se dire que son identité se construit dans la nature, dans des souvenirs et dans des moments réconfortants. C'est vrai qu'on a beaucoup de jouets d'enfants, donc là, le lien à l'enfance, finalement, c'est ses propres souvenirs réconfortants. Oui, puis il y a quelque chose qui, dans certaines sculptures, dans certains assemblages, dans lesquels on voudrait se bercer, oui, quelque chose de ce réconfort. C'est vrai, et puis tu les vois et t'as envie d'appuyer sur la petite voiture qui tourne sur le circuit ou sur la poupée aussi qui chante. Ou... Même toi, t'as envie de mettre les mains dedans, finalement. Mm-hmm. Et c'est parce qu'elle a reconstruit des zones de réconfort, de refuge, qui, elle l'avoue, apaisent ses angoisses. Et le visiteur est finalement invité à créer du lien social avec les œuvres, mais aussi avec elle lorsqu'elle est présente, puisque c'est elle qui fait la médiation les fins de semaine. Je ne sais pas si c'était exceptionnel cette fin de semaine. Oui, toutes les fins de semaine, oui. Parfait. Ce qui est vraiment intéressant de pouvoir également discuter avec l'artiste. Moi, personnellement, quand je suis arrivée, il y avait déjà du monde qui attendait de pouvoir discuter avec elle, donc ça fonctionne toujours, l'artiste qui est présent pour sa médiation. Puis c'est ça, donc le visiteur, il est même invité à toucher. Elle m'a confié que les œuvres numériques, elles paraissaient satinées, puis les gens avaient très envie d'y toucher, d'aller caresser les œuvres. Donc elle le permet pour certaines, sachez-le. Et finalement, de laisser le visiteur se laisser aller à ses émotions, et puis surtout, elle le répète, de s'amuser. Oui, c'est très ludique. C'est une exposition qui invite au jeu, qui invite à se l'approprier, justement. Mm-hmm. Donc, on va chercher des éléments, on se les approprie, on se les fait nôtres. Oui. Vraiment une exposition qui fait appel à notre mémoire, la mémoire de notre enfance. Donc, l'exposition « Ma nature à horreur du vide » est présentée au Centre Regard jusqu'au 6 mai. Merci beaucoup, Anne-Sophie Homère. Merci beaucoup, Gentiane, de m'avoir reçue. Donc, nous, on prend une petite pause audio, toujours sous la suggestion de Simon Roy, et je reviens après la pause avec l'agenda de la semaine. Alors, c'était encore Scan Globe, une suggestion de Simon Roy. Vous êtes toujours sur les ondes de CKRL, c'est l'aérospatial, et Gentiane Lafrance avec vous au micro, je vous présente l'agenda de la semaine. Donc, cette semaine, dans le milieu des arts visuels, vous allez avoir d'abord, demain, il va y avoir une conférence midi de Ito Laila Lefrançois qui va se passer à la Maison des métiers d'art. Donc, ça va être de 11h à midi au local 301 au troisième étage. Donc, une belle façon de découvrir l'artiste derrière ses sculptures de verre assez étonnantes. Et également, demain, il va y avoir un événement initié par les étudiants d'un cours de bac donné par Julie Faubert, donc à partir de 19h à la Marina Saint-Roch. Donc ça s'intitule « Tentative d'épuisement d'un lieu ». Donc il va y avoir des actions, des performances, des interventions. Donc c'est suite à l'imprégnation que les artistes vont faire du lieu, qu'ils vont poser des gestes, faire des mots, faire des œuvres sur place, et la soirée va se terminer avec un pique-nique convivial aux alentours de 20h30-21h. Également, demain, en fait, toute la semaine, c'est le spectacle Tomate de l'Orchestre d'Homme Orchestre qui a cours. Vous pouvez aller sur leur site pour avoir les dates, pour avoir les heures, parce que les heures dépendent des dates, sont différentes selon les dates, mais c'est un immanquable, donc c'est présenté à la caserne d'Alou par le Périscope. Jeudi, le 26 avril, il va y avoir une soirée artistique autochtone au Musée de la Civilisation à partir de 19h. C'est 10$ l'entrée, et au programme, il va y avoir des projections de courts-métrages, des spectacles de musique et de chant, et des arts autochtones sous forme de kiosques et d'ateliers. C'est organisé par le Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones. C'est ainsi que cette édition de l'aérospatiale se termine. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web à l'aérospatialeckrl.wordpress.com, et vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. Je souhaite adresser un grand merci à nos invités, Sébastien Hudon en première partie d'émission, Charlotte Boisvert-Simard, Jade Caron-Bouchard et Laurence Gravel pour l'exposition Le Sublime à l'Université Laval. Merci à Anne-Sophie Homer pour la chronique de la semaine. La mise en onde de cette émission est assurée par Jacques Gignac, le Caspar Friedrich de la console. Je salue ma collègue à l'animation, Audrey Caro, qui est à la foire papier, et j'aurai le plaisir de la retrouver la semaine prochaine alors que nous animerons l'émission ensemble. Dimanche, à la Croche-Oreille, Gaétan Gosselin va recevoir Anne-Marie Proulx. Donc, c'est un rendez-vous à partir de 21h dimanche prochain. Nous avons eu le plaisir de recevoir l'artiste à l'émission la semaine dernière. Elle expose en ce moment à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. Et de votre côté, demeurez à l'écoute, car de l'autre côté de la pause, Pierre Blais et son équipe vous attendent pour discuter cinéma à l'émission Situation critique en direct de la Ninkasi. Je vous laisse pour une courte pause audio avant la pause publicitaire. C'est toujours une suggestion de Simon Roy cette semaine, donc il nous présentait ce projet de musique électronique qui nous vient d'Angleterre, Scan Globe, donc une espèce de musique électronique ambiante, mais quand même assez entraînante avec des riffs de guitare et... à la console, on me dit qu'on n'a pas de temps pour une pause audio, donc on va passer directement à la pause publicitaire. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL. À Québec.